J'suis à la maison quand j'suis au check son, mais j'dois rester sur mes gardes. Tout à l'horizon, je vois que des ronds. Je perds la raison, je crois que je vais faire des dégâts. Je l'ai fait pour nous deux, j'ai fait de mon mieux. Quand je regarde tes yeux, je crois en l'alpha et en l'oméga. Dès qu'elle m'a dit oui, je lui ai tout pris. Je connais leur prix. Je sais pas pourquoi je fais du sale, la cadence infernale. Mange cru quand j'ai une fringale, tigre du Bengale. Je fais appel à mes loups quand je vois des gnous. J'ai pas la tête à la fête, j'envoie des layettes. Je me dirige vers l'infini comme le chiffre pi. Roi de la peutra ici, esclave en Libye. Sous écrou, on perd des sous. J'suis prêt pour vous, mais nos chemins s'arrêtent à Bandoukou. La séquentielle peut pas me lâcher, vrai poteau ne peut pas me lâcher. Au quartier on baisse la queue, on fait les lois comme au Sénat. Achète la mort dans mon sachet, pour que je fasse la belle vie en Versace. Obstrué est mon panorama, par les kilos de Ketama. J'suis à la maison, quand j'suis au check son, mais j'dois rester sur mes gardes. Tout à l'horizon, je vois que des ronds. Je perds la raison, je crois que je vais faire des dégâts. Je l'ai fait pour nous deux, j'ai fait de mon mieux. Quand je regarde tes yeux, je crois en l'alpha et en l'oméga. Dès qu'elle m'a dit oui, je lui ai tout pris. Je connais leur prix. Mauvais garçon, j'aime que les choses de valeur. Tout le monde m'écoute comme si j'étais en parleur. J'pars à la spip, je rêve qu'elle me taille une pipe. J'pars à la juge, je rêve qu'elle me suce. La fin des temps approche à pas de géant. Bille à serre les dents si ton amour est payant. Attaque armée, on allume sur les agents. Rentrer dans la queue, bon Dieu, libérer l'argent. Normal, t'es prêt à tout pour les tiens. Normal, j'suis prêt à tout pour les miens. Ça va trop vite, j'sais plus où est le mal et le bien. J'crois même que j'ai semé mon ange gardien. 6h du mat, il te retourne ta cachette. Plus d'heure assez net, le reste on l'achète. On oublie R, ça reste dans la tête. Sors les pépettes, sors la mitraille. Faut que je trouve une jument que je vais galoper. Chef de la meute sort de la canopée. Crache le morceau, je suis overbooké. Si je me déplace, c'est plus pour dialoguer. Je connais leur prix, j'entends leur cri. Pour mes ennemis, le ciel est gris. J'suis à la maison quand j'suis au check son, mais j'dois rester sur mes gardes. Tout à l'horizon, je vois que des ronds. Je perds la raison, je crois que je vais faire des dégâts. Je l'ai fait pour nous deux, j'ai fait de mon mieux. Quand je regarde tes yeux, je crois en l'alpha et en l'oméga. Dès qu'elle m'a dit oui, je lui ai tout pris. Je connais leur prix.